le sujet que je vais aborder, les lacs d'exportation japonais, sera évidemment marqué par le fait que c'est plutôt le domaine français que je connais. Lorsqu'un pays atteint par les voyageurs européens de la Renaissance possède une technique remarquable par sa qualité, les voyageurs et les commerçants ne manquent pas d'exploiter cette filière dans le but de faire fructifier leur commerce. Sans revenir sur les apports de toutes sortes de conséquences des grandes découvertes et des voyages lointains, dans un but commercial et aussi de conversion au christianisme à l'époque, qui touche aussi bien l'agriculture que l'industrie manufacturière, je m'attacherai à la technique de la laque, une résine naturelle apte à protéger durablement les matériaux les plus variés, et notamment le bois, le rendant imperméable et permettant en quelque sorte aux objets de servir, y compris dans la vaisselle quotidienne. Et je voudrais vous proposer quelques réflexions nouvelles à partir d'objets qui se trouvent en France ou qui s'y sont trouvés dans le passé. Car à la différence du Portugal, en France, les objets ont beaucoup bougé, particulièrement autour de la fin du XVIIIe siècle et de 1800, dans les deux sens. Les Japonais du XVIe siècle étaient particulièrement habiles dans cette technique très ancienne et savaient de plus décorer d'une manière luxuriante les objets produits pour beaucoup dans les ateliers réputés de Kyoto au service de l'aristocratie japonaise du temps. Par malchance, les archives sont absentes concernant les chargements des bateaux portugais ou espagnols. Dans la technique du lac, au temps où l'on peut voyager à l'intérieur du Japon, c'est-à-dire jusqu'aux années 1630-1640, portugais alliés aux jésuites, puis espagnols venant de Manille avec les franciscains, la coupure du monde en deux n'est pas seulement en Amérique, le pape était puissant à l'échelle mondiale, donc ces voyageurs commandent des meubles de rangement à leur usage, notamment des coffres à couvercle plat ou arrondi, des cabinets à tiroirs avec ou sans abattant, ou avec deux portes, ou encore des boîtes et des récipients variés. Les premiers décors dans le style du Todaiji de Kyoto font souvent intervenir des incrustations de nacre, et tout cela est bien connu ici, particulièrement au Portugal. Conséquence de cette exposition dont on vous a signalé le titre, L'or du Japon en 2010, Aurélien Vacheret, conservateur du musée Charles Friri à Remiremont dans les Vosges, a signalé la présence d'un cabinet qui lui semblait nambant dans ses collections. Il faisait partie des œuvres pour lesquelles les archives du collectionneur à l'origine de ce musée, Charles Friri, né en 1802, mort en 1881, ne donnait aucune date d'acquisition, à la différence de ce qu'il acquiert entre 1828 et 1876, notamment un célèbre tableau de Georges de la Tour, le vielleur à la sacoche, qui fait la gloire de ce petit musée. Donc ce cabinet, qui mesure 35 cm de haut, 46 cm de large, et la même profondeur que la hauteur, ce cabinet, d'où venait-il? J'ai suggéré qu'il... J'aime bien faire des romans, vous allez voir. J'ai suggéré qu'il se trouvait peut-être déjà dans la maison, devenue musée maintenant, lorsque le collectionneur s'y installe en 1833. De fait, il est apparu, grâce à un sondage dans les archives qui n'avait jamais été fait, que ce collectionneur avait épousé en 1833 une certaine Charlotte Antoinette Watteau, la fille de Joseph Antoine Watteau, un militaire des armées napoléoniennes en Espagne, sous les ordres du maréchal Soult, entre 1809 et 1813, et qu'il avait séjourné notamment en Andalousie, comme nous l'apprend son dossier de Légion d'honneur. Il finit en 1813 sa longue carrière militaire comme chef de bataillon du 75e régiment d'infanterie de ligne et se retire ensuite dans sa ville natale de Remiremont. Les lacs conservés en Espagne viennent d'être étudiées par l'exposition La Casa Namba à Madrid, au Musée des Arts Décoratifs en 2013, et offrent d'utiles comparaisons, tandis que tous les objets signalés dans les archives ne sont pas retrouvés. Donc, à mon avis, il faut penser que le maréchal Soult et ses troupes ont pu faire quelques acquisitions en Espagne. Alors, dans ce meuble, les entrées de serrure avec un double aigle confirment, me semble-t-il, cette origine espagnole et que ce cabinet serait donc passé par Manille et la Nouvelle-Espagne avant d'arriver donc en Espagne à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. Et qu'il a donc pu avoir une utilisation dans une église ou un couvent, comme c'est souvent le cas dans les objets toujours conservés sur place en Espagne. Mais il y en avait peut-être d'autres ailleurs. On connaît surtout les transferts de peintures religieuses opérés par le maréchal Soult à Séville, y compris la célèbre Immaculée Conception de Murillo, mais il faut très certainement y ajouter des objets comme celui-ci qui, depuis 1833, donc, est conservé dans une maison des Vosges de l'Est de la France. Et donc, je pense que c'est là que Watteau a dû le trouver. Le style avec des gros morceaux de nacre peut en effet être rapproché de certains de ces objets exposés l'année dernière à Madrid. Quant à la structure de ce cabinet sans abattant, revenons là, elle rappelle aussi celle du célèbre cabinet d'Ambrasse, maintenant au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Ce dernier semble bien provenir de la Kunstkammer de Rodolphe II à Prague, qui en possédait plusieurs d'après les inventaires entre 1607 et 1611, peu avant sa mort. Or, Rodolphe II, neveu de Charles Quint et avide collectionneur, avait été élevé en Espagne. Donc il peut y avoir quelques assimilations avec cet objet maintenant en Autriche, mais qui, cet objet de Remiremont, a dû passer par l'Espagne. Et l'histoire est à rapprocher, mais je vais vous en montrer encore quelques détails. Ici, vous voyez qu'à l'intérieur d'un tiroir que l'on a enlevé, il y a un signe d'un fabricant japonais. C'est généralement des signes qui indiquent l'emplacement des tiroirs préparés et qui montrent bien l'origine japonaise de cet objet. Donc, voici un des côtés avec ces gros morceaux de nacre, le dessus, un peu usé, et le revers, donc dans ce style namban, à mon avis sans doute espagnol, mais cet objet complètement inédit jusqu'à présent reste bien entendu à étudier davantage. Et donc son histoire est à rapprocher de celle du cabinet de Brou, ce cabinet qui avait été à l'origine de l'exposition L'or du Japon. Il était en réserve jusqu'à 2005, il était même considéré comme indien et il venait, lui, de la collection d'un certain Emmanuel Le Bourdin, capitaine d'artillerie, qui, durant les campagnes napoléoniennes d'Espagne et du Portugal. Et les archives à Bourg-en-Bresse parlent d'un butin immense qui fut notamment fait à Oporto, donc cet objet est plus typiquement portugais et l'autre espagnol. Et ils sont donc arrivés au début du XIXe siècle en France. Le bouleversement de la Révolution et de l'Empire furent l'occasion ainsi de nombreux mouvements de collection à travers l'Europe. Plusieurs objets de laque saisis dans les collections du prince électeur de Hesse-Cassel en 1807 sont restés à Paris après le congrès de Vienne de 1815, n'ayant pas été réclamés par les commissaires de Cassel, à la différence, par exemple, de leur collection de peintures et d'objets plus précieux. Et il existe une liste de 38 objets en vieux laque pris dans les chambres attenant les appartements du prince dans sa résidence, qui était en quelque sorte en réserve et démodé. Vivant de nom, le directeur du musée de Napoléon, qui les avait choisis, était lui un grand amateur de lacs, tandis que sur place, ces pièces du début du XVIIe siècle n'avaient même pas été mises en place dans le pavillon chinois de Wilhelmsthal, édifié en 1747 à côté de Cassel et détruit en 1800. Il en existe un inventaire et il n'y avait pas ces objets vieillots. Et je vous montre l'intérieur de ce superbe baquet de plus de 50 cm de large, qui est dans les réserves du Quai Branly. Tout à l'heure, vous avez aperçu la photo prise lors de la découverte de l'objet, mais il en existe de meilleurs. À mon avis, cet objet est venu par l'intermédiaire des Anglais installés dans la petite île de Hirado, à côté des Hollandais, et entre 1613 et 1623. Je vous montre le revers, protégé du jour, même dans les vitrines du Louvre où il était exposé au XIXe siècle, et qui a gardé tout son brillant. J'avais remarqué qu'effectivement, dans les achats de la compagnie anglaise, il y avait beaucoup d'objets à forme occidentale, mais également ce qui est décrit comme five Mackie Basin and Ewer Japan Fashion, c'est-à-dire cinq bassins et verseuses à la mode japonaise en lac maquillé, dont cet exemple, parti d'Angleterre ou de Hollande vers Cassel, se trouve dans une collection où il y a également des céramiques chinoises de l'époque Ming, indépendamment de la vogue du XVIIIe siècle au XVIIIe siècle pour l'art japonais. Sa forme correspond à celle des baquets qui font partie des trousseaux de mariage de l'aristocratie japonaise, comme on en trouve, certes avec les armoiries du shogun ou des familles de daimyo, au musée Tokugawa de Nagoya ou au musée Hayashibara d'Okayama. Et ces pièces ont été faites justement à Kyoto, ou comme on disait à l'époque, à Miyako. Donc il est maintenant au musée du Quai Branly, héritier du musée de l'Homme à Paris, où il avait été déposé par le musée de la Marine en 1946. Donc vous voyez, entre les institutions, les voyages existent. Depuis 1827, le musée naval ou de la Marine occupait le nord et l'ouest de la cour carrée du Louvre, au premier étage puis au second étage, et recueillait dans sa section ethnographique qui dure jusqu'en 1919-1920, les collections des pays exotiques, dont le Japon, y compris jusqu'au Second Empire, la collection de lacs de Marie-Antoinette et la Chine. Au Quai Branly, cet objet d'illustre origine, jamais étudié malgré son étiquette des musées royaux, passait à tort pour chinois, c'est-à-dire que le domaine que j'ai eu la chance d'explorer pour l'exposition de 2010 était complètement négligé dans notre pays. En 2011, à La Rochelle, une petite exposition qui s'intitulait « D'or et de nacre », lac japonais du musée d'Orbigny-Vernon, montrait un autre objet provenant de Cassel, que vous voyez ici ouvert, qui a également 35 cm de haut, 38 cm de haut même, et qui est l'un des deux petits coffres, je cite, « petits coffres à tiroirs fermant à clé et garnis de burgos », le burgos étant la nacre, de la liste des lacs saisis à Cassel par Vivant de Nom. En fait, il était sous une table dans la réserve exiguë du musée d'Orbigny-Vernon et n'a été repéré qu'après mes visites de 2005 et 2008, donc cet objet, je l'ignorais. Il a donc été maintenant ressorti de l'oubli et du désintérêt qui touche plus les objets faits en France, faits pour l'exportation, que les objets japonais collectionnés depuis à la fin du XIXe siècle. Donc, on peut le situer comme étant de transition, pas si différent de quelques objets que l'on voit ici. Et il a une forme qui évoque les coffres à encens japonais, les kodansu. Mais tous ces objets sont arrivés en France seulement au début du XIXe siècle, et largement à cause de la volonté expansionniste de Napoléon, qui n'est pas toujours appréciée de par l'Europe, tandis que le mouvement inverse s'est produit pour les objets arrivés en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, malgré l'absence de relations directes de la France avec le Japon. Le plus grand collectionneur du XVIIe siècle est incontestablement le cardinal Mazarin, mort en 1661, ministre du jeune Louis XIV. Son épais inventaire après décès, conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, a été publié en 2004, par une japonaise et une française, Madame Tomiko Takada Yoshida, assistée de Claudine Lebrun-Jouve. Dans cette publication, en ce qui concerne les lacs du Japon, elle ne propose l'identification que d'un seul objet, le coffre Mazarin du Victoria and Albert Museum, qui est le numéro 810. Or, un grand coffre qui avait appartenu au début du XIXe siècle à William Beckford réapparaissait sur le marché dans une vente de Cheverny les 9 et 10 juin 2013, était acquis par le Rijksmuseum d'Amsterdam. Le voilà. Il n'était connu que par une photographie de 1916. Il était revenu d'Angleterre dans les bagages d'un ingénieur à la retraite qui en avait fait un bar dans sa maison. Il l'avait acquis à Londres de son propriétaire qui le considérait comme peu de chose. Et entre 1916 et Cheverny l'année dernière, il a perdu les pieds de sa base européenne. Le voilà, ouvert. Alors, signalons que l'anglais William Beckford, l'auteur du roman gothique Vatek, est d'une riche famille grâce à ses plantations de canne à sucre à la Jamaïque et qu'il est venu chercher en France, autour de 1800, toutes sortes d'objets asiatiques ou non, soudain disponibles sur le marché, après la faillite des familles aristocratiques qui pouvaient les posséder, ou, comme vous allez voir, même des marchands du XVIIIe siècle. Le grand coffre d'Amsterdam correspond au numéro 829 de l'inventaire après décès de Mazarin et a sans doute fait partie de 4 grands coffres exceptionnels exportés par la compagnie hollandaise, la VOC, en 1643. Il est décoré de scènes issues de la littérature japonaise, le dit du Genji et celui des frères Soba. Et son revers monte une branche de magnolia. Je vous fais visiter les différentes parties de ce coffre. L'intérieur du couvercle, le couvercle fermé, un seul dommage, il y a une fente. Les deux côtés, la face. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche comme décor, avec une bordure qui contient des rosaces en nacre. Et voilà le revers sur un grand fond noir des branches de magnolia, signe de l'été. La technique est brillante avec cette laque en relief dont je vous montre un détail. Je m'étais même demandé si les petits signes marqués sur l'éventail ne seraient pas une référence au chapitre du Genji. Mais je n'en suis pas vraiment sûre, ce sont plutôt les rubans qui tendent ces feuilles d'éventail. Ce coffre qui vient de Mazarin n'a pas appartenu à l'aînée des nièces de Mazarin, Hortense Mancini, héritière du titre de duchesse de Mazarin, comme le coffre du Victoria and Albert Museum de Londres, qui apparaît dans son inventaire après décès en 1699, mais qu'il ne se trouve plus ensuite dans celui de son mari, le premier duc de Mazarin, en 1714. Ce qu'il est advenu jusqu'à 1801, je l'ignore, mais il est alors parti en Angleterre. Il y est précisément décrit avec son sujet et ses dimensions. De nouvelles recherches d'archives que j'ai entreprises au début de 2014 m'ont permis de confirmer l'hypothèse que le coffre acheté par le Rijksmuseum d'Amsterdam avait pu appartenir dès le XVIIe siècle à Marie-Anne Mancini, la plus jeune sœur d'Hortense, duchesse de Mazarin, qui était, elle, devenue duchesse de Bouillon, et que sans discontinuer, elle avait appartenu à ses descendants, puisque William Beckford savait, dans son catalogue de Fonthill, je crois que je l'ai là bientôt, non, je n'ai pas là la suivante, il savait pertinemment que cet objet provenait et de Mazarin et du duc de Bouillon. Et je vais vous expliquer comment il pouvait savoir cela. Donc c'est bien cette jeune sœur de la duchesse de Mazarin qui a hérité du très grand coffre qui est précisément décrit dans l'inventaire fait à la mort le 7 février 1802 du dernier porteur du titre de duc de Bouillon et qui n'avait pas de descendance. Cet inventaire, conservé dans les archives privées, aux Archives nationales de Pierrefitte, dans le fond de la famille de la Tour d'Auvergne, il était de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, a été rédigé par Philippe-François Juliot, donc un marchand mercier, un héritier des marchands merciers, il n'y avait plus de corporation, d'une grande famille du XVIIIe siècle. Et il comprend à la fin, le voilà, dans le salon de l'hôtel de Bouillon, quai Malaquais, c'est l'hôtel de Chimay, actuellement dans l'école des Beaux-Arts, pour ceux qui connaissent Paris, et il comprend ce coffre protégé alors par une vitrine. Je cite, « Un très beau coffre en laque du Japon, fond noir. Le dessus a riche cartouche à sujet de châteaux, animaux et arbustes en or de relief, comme je vous l'ai montré, avec encadrement à mosaïque, rosette et filet en burgos. Le pourtour a riche panneau à château, pagode et sujet de chasse en or de relief, avec cage à panneau de glace et encadrement en bronze doré. Cage, à la Révolution, ça veut dire vitrine, vitrine cloche posée sur l'objet. Et il était prisé 800 francs. Or, donc, Philippe-François Juliot, descendant d'une célèbre famille de marchands merciers, fait bientôt faillite et une vente publique ordonnée par jugement du cabinet et des magasins du citoyen Juliot est organisée à partir du premier Germinal en 10, le 22 mars 1802, donc quelques semaines après la mort du duc de Bouillon. Hélas, l'exemplaire du catalogue imprimé de la Bibliothèque nationale, qui porte la mention manuscrite très intéressante que ce malheureux Juliot était en prison à Sainte-Pélagie, et ce catalogue est très sommaire, on l'a fait très très vite. Les curiosités en lac du Japon et de Chine sont décrites sous 26 numéros. C'est monstrueux cette vente. Il y a entre les numéros 257 et 282, donc 26 numéros, pour un total de 437 objets, dont deux en vernis Martin. Donc 435 objets en lac du Japon, montés ou non montés. Parmi lesquels la soixantaine d'objets en lac, gros ou petits, qui proviennent du duc de Bouillon, dont Juliot venait de faire l'inventaire. Or, la collection du duc de Bouillon avait été acquise avec toutes ses terres par un certain Antoine Roy, un habile financier, et donc qui avait pris possession de l'ensemble, le duc ayant eu quelques soucis sous la Révolution, et il n'avait donné en échange qu'une rente. Quelques semaines avant la mort du duc de Bouillon, Je n'ai pas vraiment osé penser qu'il l'avait empoisonné, parce que le pauvre était infirme et il a eu le temps de rédiger son testament pour donner aux 50 ou 55 membres de son personnel quelque argent et quelques rentes. Il n'a oublié personne, ni son homme d'affaires, ni son laveur de vaisselle, ni ses quatre musiciens. Mais bon, la rente, il n'a dû la recevoir qu'une seule fois. Donc, dans cette vente Julio, par exception, le numéro 266 ne concerne qu'un seul objet, un grand coffre carré long, dont le dessus et le devant en laque du Japon à figure. C'est un peu bref comme définition, mais c'est certainement cet objet. Et il correspond, à mon avis, à ce coffre acquis par William Bedford et maintenant au Rijksmuseum d'Amsterdam. D'autres coffres ont dû, et je vais vous montrer quelques autres exemples, ont dû être dépecés et leurs panneaux coupés au cours des siècles, comme les montrent ces meubles nouveaux, où vous reconnaissez des scènes dans le style exact de celui du coffre Mazarin d'Amsterdam. Le style de ce grand coffre est également proche de celui... En voilà un troisième qui se trouve à Charlottenbourg avec exactement le même motif. Ce sont donc des œuvres qui datent autour de 1640-43 et peut-être des morceaux de ces autres grands coffres disparus. Voilà le grand coffre à la vente de Cheverny. Donc le style de ce grand coffre et de celui du Victorian Albert Museum est très proche de celui de la chaise percée que je vous montre ici fermée, passée en 1788 dans la vente du duc de Richelieu et acquise alors par le prince de Condé. Il a été saisi à la Révolution, le prince de Condé étant le chef de l'armée contre-révolutionnaire, et envoyé à l'époque au mobilier national. La censure est réelle, ce n'était pas un objet de musée malgré sa somptuosité. Et elle n'a pas été retrouvée en 1816, car on ne l'avait pas mise sur l'inventaire du Louvre, lorsque le prince de Condé, comme les souverains étrangers ayant retrouvé leur territoire, réclame son bien. On lui rend tout, sauf quelques objets en laque du Japon, qu'on ne retrouve pas. Et pour moi, elle peut être assimilée à celle qui se trouve dans l'inventaire de Mazarin sous le numéro 794. Une chaise percée de vernis de la Chine, garnie par les coins de cuivre à la damasquine, avec sa serrure, elle est superbe, vernie de rouge à la dedans. Et effectivement, cet objet est verni de laque rouge à l'intérieur. Elle a donc cet intérieur de laque rouge et on la trouve décrite dans l'inventaire après décès de la duchesse de Mazarin et dans celui du duc de Mazarin en 1714. Et voilà la description dans cet inventaire de 1714 et non 1715. Une chaise percée de la Chine, car on croyait chinois tous ces objets. La Chine écrit L apostrophe. À Chine, ce qui est assez charmant, garni par les coins de cuivre damasquiné, etc. Et on recopiait d'ailleurs, là on fait référence aux inventaires de la duchesse et aux inventaires de son éminence, le cardinal de Mazarin. Et je vous montre un détail du couvercle avec ces éléments de laque en relief, donc un art extrêmement raffiné. Or, cette chaise percée n'est pas vendue en 1738 dans la grande vente du château de Chilly-Mazarin. Les descendants de la duchesse de Mazarin faisant des dépenses trop somptueuses et ayant des dettes lorsqu'ils mouraient, donc on a vendu leur château, le contenu de leur château, leurs milliers de bouteilles de vin et de champagne, et également leur mobilier en laque. Et déjà, un Julio achète un grand cabinet de laque, un grand coffre de laque d'1,40 m de côté. peut-être pastel, et c'est là que mon goût du roman revient, de la petite fille de la première duchesse de Mazarin, Armande Félicie de la Porte Mazarin, morte en 1729, qui était marquise de Nesle, avait des goûts légers et fut un temps la maîtresse du duc de Richelieu, lui-même un grand amateur de lacs et d'objets japonais, avec un cabinet en vernis martin tout à fait remarquable. Donc, Beckford, William Beckford, avait aussi acquis à la vente Julio, revenons à lui, en mars 1802, je crois, dans le lot 261, la boîte célèbre dite de Marie van Diemen à cause de l'inscription qui est à l'intérieur, boîte qui se trouve maintenant au Victoria and Albert Museum. Elle est également décrite dans l'inventaire après la mort du duc de Bouillon. Elle est également sous vitrine, ses seuls deux grands objets sont sous vitrine. Elle ne vient pas de Mazarin, mais elle a été acquise par l'avant-dernier duc de Bouillon à la vente ou après la vente rendant de Boisset en 1777, provenant de la collection de Madame de Pompadour. Je vais vous montrer encore un autre objet que je rapproche de l'inventaire de Mazarin. Je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé ensuite avec cet objet censuré par son contenu dans l'inventaire, dans la vente du duc de Richelieu, mais qui apparaît dans l'inventaire, comme les chaises percées étaient censurées dans tous les inventaires imprimés, mais pas dans les inventaires manuscrits au XVIIe et au XVIIIe siècle. Néanmoins, je pense qu'elle vient aussi de Mazarin. Et j'ai rajouté voilà, la boîte de Marie van Diemen avec son inscription à l'intérieur, qui est également dans le même style et qui a exactement le même type de bordure, mais elle ne vient pas de Mazarin. Je pense également que vient de l'inventaire de Mazarin cette écritoire qui fait partie des collections léguées à la ville de Paris par le collectionneur Dutuy, qui expose déjà ces objets en 1869 au Musée Oriental à Paris et qui donc avait fait sa collection dans les années du règne de Louis-Philippe et du début du Second Empire. Ce serait le numéro 279, un écritoire de la Chine avec son couvercle verni de couleur d'or contenant trois pièces. Et il y a effectivement trois pièces. L'élément qui sert à poser les instruments, la pierre pour l'encre et l'encrier. Et du temps de Mazarin, elle se trouvait dans une boîte en bois blanc qui maintenant a disparu, mais qui est tout à fait typique d'un emballage japonais. Et d'autres exemplaires, donc cet objet pour moi était en France au XVIIe siècle pour le style, et notamment parce qu'elle représente un sujet tiré d'un chapitre du roman du Genji, du dit du Genji, le chapitre « Les papillons », et que c'est quelque chose qui, pour les Japonais, est clair, mais absolument pas pour les Occidentaux. Donc ces objets à sujet typiquement japonais, également à usage japonais, à mon avis, ont quitté le Japon dans ces années qui marquent la fin des possibilités de voyage jusqu'à Kyoto, où l'on pouvait faire ses emplettes quand on allait préparer les expéditions vers Batavia et la Hollande. Et Mazarin s'est attesté, se fournissait en Hollande, et on dit qu'il avait aussi quelques envoyés au Portugal, mais pour l'instant, je n'ai pas retrouvé de meubles nambans lui ayant appartenu. Donc, cette boîte a un intérieur et un extérieur luxueux, et dans l'arbre à gauche du couvercle, on peut voir d'étranges branches qui sont en fait des caractères, qui sont les premiers caractères du premier poème du chant sur les papillons du Genji, tandis qu'à l'intérieur, les pots de fleurs ont des tiges qui sont les caractères du deuxième poème de ce chapitre, lorsque des petites filles déguisées en papillons et en oiseaux viennent danser pour Genji et sa maîtresse du moment. Et les petits oiseaux et les papillons sont réalistes, là, et ce ne sont plus des petites filles, mais l'allusion, et si le public était français, je dirais, c'est comme le corbeau qui tient dans sa bouche un camembert, et en bas, il y a un renard. Pour nous, c'est une fable de La Fontaine. Pour les Japonais, c'est évidemment ce chapitre du Genji, très célèbre et très charmant, où il y a beaucoup de foules qui circulent sur des bateaux, mais là, ils sont descendus de bateaux. On ne les voit pas, mais on voit seulement deux petits canards au premier plan, symbole de l'amour et des plantes pleines d'illusions. Cette boîte, en fait, j'avais déjà aperçu un double. Non, c'est avant. Au Musée national de Kyoto, où elle était exposée lorsque je l'ai vue, avec un cartel qui m'a mis sur la piste de l'iconographie, les papillons, mais avec une date du 19e siècle. Alors ça m'a beaucoup inquiétée sur ma capacité à dater les objets du 17e siècle, et j'ai écrit à Tokyo, et la conservatrice m'a répondu, « Eh bien, quand nous avons rangé la boîte, j'ai regardé sur la boîte en bois blanc de rangement, qui n'était que la première, parce qu'il y en avait encore une seconde, il y avait écrit Fujin, qui est le nom d'un laqueur du XVIIe siècle, connu pour avoir travaillé pour quelques familles aristocratiques du Kyushu. Donc, elle venait de rendre cette boîte au XVIIe, mais elle était devenue, depuis 50 ans, parce qu'avant on l'avait cru du XVIIe, elle était devenue une boîte du XIXe siècle, parce qu'elle avait été léguée en 1908, par un Américain de Boston, qui, lui, l'avait collectionné à la fin du XIXe siècle. Or, Quincy Adams Shaw est un des plus grands collectionneurs de Boston, et toute sa collection d'Extrême-Orient, à sa mort, est repartie par sa volonté jusqu'au Japon. Mais ma surprise a été grande lorsque donc, cette boîte venait du Japon, est partie en Amérique et retournée au Japon en 1909, lorsque, au musée Fitzwilliam de Cambridge, j'en ai trouvé une troisième. Et celle-ci a été léguée dans les années 1940 par quelqu'un de compétent en lacs du Japon, puisqu'il était à la fois conservateur au British Museum et au Fitzwilliam, et il avait acquis cette boîte en 1912 à Tokyo, et on lui avait dit à l'époque qu'elle avait été copiée sur une boîte de l'époque Momoyama, c'est-à-dire celle qui venait de retourner au Japon en 1909, et qu'elle datait, on ne savait pas qui l'avait faite, d'un laqueur anonyme de 1880. Serait-ce une copie de l'époque Meiji ? On avait rajouté quelques instruments, un pain d'encre, etc., dans cette boîte, et ces instruments que vous voyez sur les côtés, dans les réserves du Fitzwilliam. Il y a des variantes, ce qui est normal pour les laqueurs du XVIIe qui utilisaient les mêmes schémas, les mêmes dessins. Il y a des variantes. Là, les deux vases à l'intérieur du couvercle sont l'un doré, l'autre argenté. L'extérieur est plus doré que dans la version de Paris, mais il n'y a pas le fond plus luxueux en aventurine. Sans doute faudrait-il les voir côte à côte pour s'assurer qu'elles sont toutes les trois du XVIIe siècle. Parce que les laqueurs, lorsqu'ils faisaient les trousseaux des jeunes filles de la bonne société, avaient à faire de temps en temps plusieurs boîtes semblables, deux boîtes carrées, deux boîtes rectangulaires, pour mettre les produits de toilette et les fards. Donc ils savaient très bien reproduire les modèles. Alors, je n'ai pas la solution finale. Ma collègue de Tokyo, pas davantage. Un jour, il faut les réunir toutes les trois et juger si elles sont toutes les trois du XVIIe siècle, ce que j'ai tendance à penser. Alors, je voudrais dire que mes récentes recherches d'archives pour étayer cette hypothèse d'une origine du grand coffre d'Amsterdam dans la collection de Mazarin, puis dans celle des ducs de Bouillon successifs jusqu'à 1802, m'ont permis de donner une signification nouvelle à des documents d'archives de William Beckford, publiés dans un article célèbre de Francis Watson en 1963 dans la Gazette des Beaux-Arts. Donc un demi-siècle est passé déjà, mais cet article était déjà totalement passionnant, bien qu'il n'ait pas été toujours Exact. Beckford, Madame de Pompadour, The Duc de Bouillon and the Taste for Japanese Lacquer in 18th Century France. S'il trouve dans une première liste conservée, établie par un marchand mercier d'Arnaud, en 1801, le coffre Mazarin du Victorian Albert Museum, qui avait donc appartenu à Hortense Mancini, il note à juste titre que deux objets, le grand coffre et la boîte de Marie Van Diemen, que je vous ai montrée, et qu'a acquis également Beckford, n'y sont pas. En 1801, d'ailleurs, le duc de Bouillon n'était pas mort, donc ces objets qui lui appartenaient étaient toujours dans son hôtel particulier. L'autre document, signé de Darnaud et non daté, ne contient pas davantage ces deux objets, car ils ont été acquis, me semble-t-il, directement par William Beckford ou son ami Frankie à Paris en 1802. Ce deuxième envoi de Darnaud, c'est donc une deuxième liste qui n'a pas de date, est en fait de 1803 et correspond à des objets très sommairement décrits, une fois de plus, dans une vente à Paris de Jean-Baptiste Lebrun, le marchand mari de Madame Vigée Lebrun, la célèbre artiste peintre. Et cette vente est le Deutermidor en 11, 10 août 1803, avec un catalogue imprimé où l'on annonce, entre autres, la vente de différentes porcelaines et de morceaux les plus rares du Japon et de la Chine provenant de feu le duc de Bouillon. Ce sont, à mon avis, des invendus de la vente de mars 1802, et comme le pauvre Julio croupissait en prison, c'est un autre marchand qui avait acheté cela. L'exemplaire annoté du fonds Doucet à l'INHA porte sur la page de titre des mots manuscrits pas très lisibles, mais où on remarque le même, et puis quelque chose que je n'ai pas lu, amateur de Londres, lequel est très certainement Beckford ou son envoyé. Et en marge des lots de ce catalogue précieux, les noms et les prix, les noms des acquéreurs et les prix sont notés. On n'y trouve pas Beckford, mais le numéro 180 de cette vente n'a ni prix ni acquéreur et il est barré à l'encre. En voici la description. Porcelaine des espèces les plus rares, c'est le titre. Et donc ce numéro 180, qui est barré et qui n'a pas de prix, est ainsi décrit. Plusieurs morceaux regardés jusqu'à ce jour comme uniques en leur genre, nous nous contenterons de dire qu'ils ornaient les appartements de feu le duc de Bouillon, ainsi que quelques morceaux très fins de lac dont nous aurons à parler. Apparemment, ils n'en ont pas parlé, ils se retrouvent en Angleterre. Et les objets de cette liste, notamment des coques en lac, etc., se retrouvent bien dans l'inventaire dont je vous ai parlé, rédigé après la mort du duc de Bouillon. Et donc, je pense que Darnaud a acquis pour Beckford, retourné en Angleterre, ce lot et qu'il est donc le deuxième. Donc, trois épisodes dans la formation de la collection Beckford en lac du Japon. En 1801, il achète des objets par l'intermédiaire de Darnaud, avant la mort du duc de Bouillon. En 1802, il se trouve, ou son ami Frankie, à la vente Julio. Et en 1803, Darnaud est chargé d'acheter les invendus de la vente de 1802 à cette vente de M. Lebrun. On sait d'ailleurs qu'en 1802 et 1803, Dominique Vivant-Denon était le grand rival de Beckford dans ses ventes parisiennes. Et on le sait par une lettre de 1814 conservée à l'Ashmolean d'Oxford. À mon avis, dans cette vente, Denon achète le coffret à bijoux qui est maintenant au Petit Palais et dans la collection du Truy et qui fait partie de 7 pièces précieuses en lac, dont 2 coffres en marmite. À mon avis, ce sont ceux-là. Tandis que Beckford achète, voilà le coffre du Petit Palais. Vous remarquerez le décor à l'arrière, comme dans le coffre du Rijksmuseum d'Amsterdam, un fond noir et une branche de fleurs. Et mais je reviendrai à cela après. Voilà le coffre qu'à mon avis William Beckford peut acheter à la même vente et qui se trouve maintenant dans un château de la banlieue de Londres. J'ai cherché si ces coffres provenaient de Mazarin, une obsession, car le style n'est pas différent. C'est vraiment autour de 1640 qu'ils ont été confectionnés au Japon. Mais il y a 5 objets, les numéros 837 et 838, qui sont des coffres, des cabinets portés par 4 boules, comme ces meubles. Le numéro 838 porte une mention intéressante sur le couvercle de laquelle est représentée une figure de Chinois qui entre dans une porte de campagne. Et dans l'intérieur de ce couvercle, il y a précisément une figure ici qui entre dans une porte de campagne. Mais s'il y a cohérence de style, ce n'est pas tout à fait sûr qu'ils viennent de Mazarin. En tout cas, à mon avis, ils ont été vendus en 1802 et ils ne viennent pas de la collection du duc de Bouillon. Pas plus que le coffre Mazarin, déjà au Victorian Albert Museum. Donc les différents inventaires des ducs de Bouillon tout au long du XVIIIe siècle, conservés aux archives nationales, donc dans l'étude de 68, qui n'avait jamais été véritablement dépouillée, donne des descriptions sommaires du grand coffre du Rijksmuseum. En 1730, à l'hôtel de Bouillon, il est décrit comme un autre coffre de bois de la Chine garni de rosaces en perles. Dans l'inventaire précédent, il y a même 2 coffres et on met en l'état, comme si le second était en mauvais état, peut-être celui qu'on a découpé depuis. Donc on y suit l'évolution du goût pour les lacs du Japon dans la France du XVIIIe siècle, même si on les appelle encore chinoises, tant par les variations de valeur, très modestes au début du XVIIIe siècle, que par leur usage, tandis qu'un nouvel intérêt correspond au moment où la marquise de Pompadour, proche du duc de Bouillon de son temps, le grand-père du dernier, remet les lacs du Japon à la mode. À sa mort en 1771, il a même une pièce intitulée « Un cabinet de lacs ». Il n'existe plus. Contenait-il des paravents, comme on en voit dans son inventaire après décès, des papiers peints ou seulement des objets en lacs, dont le grand coffre, qui, à ce moment-là, sert à ranger des tapis d'Orient et diverses étoffes. Donc il a encore un usage. En 1802, ce coffre est sous vitrine, donc est passé au rôle d'objet d'art dans le salon de l'hôtel de Bouillon, quai Malaquais, comme je vous l'ai indiqué. Après ces recherches dans les 2 familles de la nièce aînée et de la nièce cadette de Mazarin, je pense qu'il faut considérer que les nombreux autres descendants du cardinal Mazarin ont pu obtenir également par héritage quelques-uns des objets en lac de sa collection. Il en avait plus ou moins 200, c'est énorme, grand ou petit, qui au cours des ans se sont retrouvés éventuellement sur le marché, et notamment pour les cabinets démembrés utilisés par les ébénistes du XVIIIe siècle pour inclure les panneaux découpés dans de nouveaux meubles à la mode. Donc je vais faire un peu le tour de ces héritiers de Mazarin. Hortense, duchesse de Mazarin, dont la collection est en partie dispersée à la mort de son mari pour le coffre Mazarin, à la vente du château de Chilly-Mazarin en 1738, a une, parmi ses héritiers, une duchesse de Bouillon de Mazarin qui, en 1781, meurt ruinée et sa fille, devenue princesse de Monaco, juge plus prudent de tout vendre. La seconde, c'est Laure Victoire, qui a 2 fils qui atteignent l'âge adulte, dont un duc de Vendôme, j'ignore où il résidait. Quant à Olympe, liée à l'histoire, à l'affaire des poisons sous Louis XIV, elle est partie se réfugier à Bruxelles. Son fils, le prince Eugène de Carignan-Savoie, qui meurt en 1736, se met au service de l'empereur d'Autriche, méprisé par Louis XIV, qui pourtant avait eu le béguin pour cette jeune Olympe, la mère. Et il fixe sa résidence à Vienne. Ses palais, le Belvédère et le Palais d'Hiver, passent à sa mort à l'impératrice Marie-Thérèse. Et ses collections sont dispersées, semble-t-il. Mais ce remarquable chef de guerre, victorieux contre les Turcs ou contre les Français, ce fin diplomate, n'eut pas d'héritier direct. Et donc, un document ancien montre dans sa résidence deux cabinets japonais, mais la gravure est si petite que je n'en peux reconnaître le décor. Peut-être s'agit-il de ceux qui sont maintenant conservés à Turin, mais l'idée est trop récente pour que j'en aie les photographies, prêtées en 2013 à une exposition sur le prince Eugène à Vienne. Sans doute les mêmes donc, que l'on aperçoit dans ces gravures de Salomon Kleiner sur les résidences mémorables de ce prince Eugène. Quant à Marie Mancini, la suivante dans la famille, elle épouse le prince Lorenzo Colonna et part pour l'Italie. Et un garçon, Philippe, mort en 1707, avait épousé une nièce de Madame de Montespan. Il a 6 enfants, dont un fils, le duc de Nevers, qui a hérité du palais Mazarin, qui était à l'emplacement de l'actuelle Bibliothèque nationale, en partie conservé un peu plus au nord, mais largement détruit au XIXe siècle. Et ce duc de Nevers, malencontreusement en difficulté financière, échange son palais, qui d'après Patrick Michel, qui a travaillé sur les peintures de la collection de Mazarin, il échange en 1719 ce palais encore meublé avec le financier Lowe, financier et qui a causé quelques soucis à la France du début du règne de Louis XV. Et celui-ci fait rapidement faillite. Voilà. Quant à la Benjamine, c'est Marianne, duchesse de Bouillon, dont je vous ai parlé déjà. Donc, il y a ici tant d'objets, une douzaine de cabinets à portes et tiroirs qui peuvent servir à fournir les ébénistes du XVIIIe siècle s'ils n'ont pas été conservés. Et certains ont pu être conservés en Italie, en Autriche, ou bien encore, me semble-t-il, en Savoie. Donc la quête n'est pas finie. Mais ces plusieurs dizaines de panneaux ont pu être réutilisés par les ébénistes du XVIIIe siècle dans les meubles à la mode. Il y a même deux encoignures présentes dans la vente de la dernière duchesse de Mazarin en 1781, donc l'arrière-petite-fille de la première duchesse de Mazarin, et qui se retrouvent dans les collections royales anglaises. Bien entendu, ces objets qui passaient pour chinois étaient japonais. Les motifs de laque de ces deux encoignures peuvent être comparés par leur sujet au numéro 779 ou 780 de l'inventaire de Mazarin, et on les retrouvait dans l'inventaire d'Hortense Mancini, la nièce aînée duchesse de Mazarin. Donc vous voyez ainsi que les inventaires et autres documents anciens sont d'un grand secours, car l'on s'aperçoit que lorsque l'on trouve un objet que l'on croyait à l'époque de la Chine, il est japonais. Et quand il a été décrit, il était déjà présent en Europe, donc il a été fait antérieurement. La même affaire avec une histoire, avec une boîte dont je vous montre un exemplaire à Copenhague, inventorié en 1690. Le Danemark a de remarquables collections japonaises et avait d'ailleurs une compagnie vers l'Extrême-Orient. Donc en 1690, cette boîte qui est maintenant au Musée national de Copenhague est inventoriée. Vous voyez son style et voici ce qu'elle contenait. 7 petites boîtes, une est perdue. Et surtout, cette boîte possède à l'intérieur une curieuse barre transversale. Or, la même chose se trouve dans une boîte qui a appartenu à Thiers et qui est au musée du Louvre. Donc, c'est cette boîte du Louvre dont on ne savait rien est antérieure à 1690 comme l'autre. Et donc, elle était remplie de ces petites boîtes, tandis que celle qui se trouve à Copenhague avait été vidée. Elle était rangée d'un côté, les boîtes de l'autre, et jamais depuis les inventaires de la fin du XVIIe siècle, on n'avait pu considérer que les unes remplissaient l'autre. à une première enquête au Japon auprès de collègues, on m'avait dit « cette barre, ce n'est pas vrai, c'est une restauration, c'est une fabrication accidentale ». Or, une au Danemark en 1690, l'autre en France au XIXe siècle et datant de la même époque. Cela prouve que ce sont deux objets japonais dont peut-être les Japonais n'ont plus d'exemple dans leur collection. Donc, dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle, arrive en France, indépendamment de cette extraordinaire collection faite par le ministre de Louis XIV, Mazarin, il arrive en France deux ambassades de Siam auprès de Louis XIV. En 1684, nous manquons de documents, et en 1686, et là, il y a un inventaire de la dite collection d'objets donnés par l'ambassade de Siam, qui contiennent de tout, des soieries chinoises, des objets siamois, des lacs du Japon. Donc, on sait aussi que le premier envoi est tombé au fond des mers, peut-être du côté de Madagascar, mais on ne l'a toujours pas retrouvé, les fonds sont trop profonds. Donc, on sait peu de choses de ces cadeaux de 1684, mais il ne faut pas les oublier. Le Grand Dauphin, d'après un inventaire de 1689, le grand dauphin, fils de Louis XIV, possédait des porcelaines de Chine venant des deux ambassades, et c'est la seule fois qu'on trouve la mention des deux ambassades, une soixantaine de chacune des ambassades. Mais en 1686, on a publié l'inventaire à l'époque, il a été recopié, réédité en 1878 au moment de l'exposition universelle pour le pavillon du Siam. Il a été encore étudié en 1909 dans une thèse de Madame Belevich Stankevich, très connue chez nous, le goût japonais en France au temps de Louis XIV. Et enfin, Olivier Rimpé a été revoir le manuscrit en 2005 et il n'a publié que la liste très pratique concernant les objets en lac. Et c'est donc tout à fait intéressant qu'à la différence du temps de Mazarin, on sait en 1686 si les objets sont chinois ou s'ils sont japonais. Et les lacs sont tous japonais. Parce qu'il y avait au Siam des Français qui préparaient cette ambassade avec l'idée d'installer un comptoir à côté du comptoir hollandais. Ce fut, du point de vue diplomatique et du commerce international, une complète défaite pour la France, qui avait peut-être, comme au Japon, voulu trop mêler la religion et le commerce. Et il n'y a jamais eu de comptoir français au Siam. Mais un récent article publié dans Art Asiatique en 2012 de deux collègues espagnols a mis en lumière un service à café conservé au musée de l'Amérique à Madrid, en toute logique puisqu'il est japonais, décoré d'or à Paris au XIXe siècle, dans le coffret en cuir que vous voyez à gauche, aux armes du grand dauphin. Et le coffret n'est pas au musée de l'Amérique, il est avec les coffrets des pierres dures au musée du Prado. Quand on a publié les pierres dures en 2002, ce service était considéré comme perdu. Il a été retrouvé donc au musée de l'Amérique. Et il me semble qu'il correspond à un service offert à la grande dauphine, à la dauphine, un autre service de vernis rouge pour une dame du Japon. Il est devenu service à café en Europe, mais il ne l'était pas, évidemment, ni au Siam, ni au Japon. Or, le roi d'Espagne, Philippe V, donc, est le fils, le plus jeune fils du grand dauphin, comme vous savez. Et il a reçu en héritage cet objet, donc un peu ballotté d'un musée à l'autre, et qui, même avec les pierres dures du grand dauphin, sont revenus en France sous l'Empire et repartis en Espagne. Et donc, les archives ou les livres de l'époque des Français au Siam indiquent qu'au Siam, on avait des petites coupes en laque rouge japonaise. Et en voici donc un exemple. Et bien entendu, la monture dorée a été faite en France, où la mode du café s'est beaucoup développée dans le cours du XVIIIe siècle. Et si le service n'est pas décrit dans le cabinet du grand dauphin en 1689, trois ans plus tard, c'est d'une part qu'il peut être appartenant à la dauphine, il n'y était pas, ou qu'il était dans un placard, mais il avait tout un matériel pour faire du café. Et donc, il est devenu service à café. Et sans doute n'a-t-il jamais servi à la cour d'Espagne. Pour ma part, j'avais associé à cette ambassade de Siam ce grand, très grand cabinet de laque qui se trouve à Dijon, et comme un des quatre qui avait été donné à la dauphine. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce meuble rouge et le cabinet rouge et d'autres objets, et le service à café rouge et d'autres objets en laque rouge ont été donnés à la grande dauphine, une jeune femme de 28 ans qui allait mourir à 30 ans en 1690. Et donc, j'avais pu comparer l'iconographie de ce cabinet, notamment sur un côté, voilà l'intérieur, avec des coqs et des poules. Alors, une parenthèse, si vous allez au Metropolitan Museum, vous voyez un très beau meuble vendu en Allemagne en 1790 par un ébéniste parisien, dont les portes sont décorées de coqs et de poules qui viennent sûrement d'un cabinet de la même époque. Voilà le détail de la technique de ce meuble qui, sur la partie, sur la face, représente donc le voyage entre Nagasaki et Edo que devaient faire les représentants de la Compagnie des Indes, peut-être, ou bien les Japonais eux-mêmes allant dans la résidence alternée de leur fief du sud jusqu'à Edo. C'est donc une des scènes de la vie quotidienne du Japon du XVIIe siècle, extrêmement amusante et traitée dans une technique tout à fait remarquable. Alors, si je ne me trompe pas, voilà. Eh bien, le côté droit de ce meuble représentait une vue de Deshima, c'est-à-dire le comptoir des Hollandais dans la baie de Nagasaki. Et la reine des Pays-Bas en possède un, inventorié aussi, à la même date, en 1684. Même, il y a une paire de cabinets sur fond noir, tandis que le cabinet français, et vous voyez, c'est exactement le même motif comme reporté par un calque sur le côté de ce cabinet que l'on retrouve dans le cabinet hollandais, exactement de la même époque. Donc, pour moi, cet objet extrêmement luxueux, monumental, très solide et très lourd ne peut pas être un objet banal du commerce, mais très certainement un objet de l'ambassade de Siam. Alors le dauphin lui-même avait reçu deux cabinets, celui de Hollande sur un socle superbe, et le dauphin avait reçu deux cabinets qui ont donc une monture de style Louis XIV et qui se trouvent au Louvre. Ils ont été au XIXe siècle à Saint-Cloud, mais provenant du château du Grand Dauphin à Meudon, près de Paris. Et pour moi, ils viennent aussi de l'ambassade de Siam. C'est exactement le même style. Voilà l'intérieur, avec des petits personnages que l'on retrouve aussi sur ce plat Condé, pris au prince de Condé à Chantilly à la Révolution. Et qu'en 1816, il n'a pas réclamé. Donc on en a deux et ils sont restés dans les collections des musées nationaux. Voici un autre meuble d'une paire qui se trouve en Angleterre à la Wallace Collection et qui, comme le cabinet de Dijon, provient, je l'ai trouvé trop tard pour mon exposition, provient de la vente de la duchesse de Montebello en 1857 à Paris. Lord Hertford, le collectionneur dont la collection fait la richesse de la Wallace Collection à Londres, habitait à Paris, à quelques centaines de mètres de l'hôtel Drouot, et il n'a sûrement pas laissé passer cette vente extraordinaire de la duchesse de Montebello. Ici, c'est un autre cabinet de même style qui se trouve à la Monnaie de Munich, toujours avec ses ponts, ses vues du Mont Fuji des paysages. Je voudrais vous montrer un meuble, peut-être un des premiers qui est utilisé des lacs du Japon. C'est un médaillé qui appartenait aussi au prince de Condé. À la Révolution, on l'a envoyé à la Bibliothèque nationale, il a échappé à l'inventaire du Louvre. On ne l'a pas réclamé, on ne l'a pas retrouvé malgré les réclamations du prince de Condé en 1816. Il est toujours à la Bibliothèque nationale. Il est déjà dans les inventaires Condé en 1720 et en 1740. Et si on l'ouvre, voici l'intérieur. Donc on a utilisé pour ce meuble occidental des panneaux venant d'un cabinet japonais. Et à l'intérieur des portes, on a mis ces deux morceaux d'une boîte à jeu dont l'extérieur a été, dont les bordures ont été placées sur les deux côtés, où vous voyez, si vous regardez bien, que les paysages sont tantôt de travers ou la tête en bas, car on a utilisé pour ce faire un objet assez semblable à celui qui se trouve au musée de Braunschweig en Allemagne, une collection donc faite au XVIIe siècle avec de nombreux lacs du Japon ou de Chine tout à fait remarquables. À la différence, pardon, excusez-moi, j'ai un peu soif, de ces sources luxueuses pour ministre, pour premier ministre ou pour le roi de France et sa famille, il y avait également l'importation d'objets plus modestes, comme ceux que l'on trouve à Rennes, dans une collection saisie à la Révolution chez M. de Robien, chez son fils, lui-même avait été président du Parlement de Bretagne, et on en trouve également à Dijon, dans la collection saisie à un autre parlementaire, Jeannin de Chamblanc, qui était un collectionneur de tout. Il avait également des collections d'histoire naturelle. Et voici donc, à côté d'un cabinet Namban, qui avait besoin de restauration, les portes tombant toutes seules, il y a donc ce cabinet plus modeste. J'ai trouvé un autre exemplaire au musée de Saint-Quentin, dans une collection faite au XIXe siècle par deux vieux garçons parlementaires parisiens. Ce collectionneur dijonnais avait, je vous l'ai dit, de tout. Et dans deux boîtes, pas plus grandes que ça, il y avait plus de 100 morceaux de lac. Donc, tous antérieurs à la Révolution. Ici, c'est le couvercle d'une boîte en forme de papillon. Voilà le revers. Mais il y a également des morceaux de lac qui sont incontestablement japonais pour 32 d'entre eux. D'autres sont chinois, d'autres sont en vernis martin. Et à quoi pouvaient servir ces petits morceaux d'une dizaine de centimètres pour la plus grande dimension ou plus petits que vous voyez ici donc dans les réserves du musée de Dijon. On voit même des morceaux qui ont été coupés, à mon avis, tout cela qui est japonais, et en haut vous en voyez un dans une technique un peu différente et qui n'est sûrement pas japonais, pouvait servir à faire des boîtes ou des tabatières. Je vous montre là deux exemples de ces tabatières, et si on regarde à nouveau les morceaux comme ceci, ils peuvent faire le tour et le couvercle d'une boîte. Pourquoi ce parlementaire, curieux de tout, avait-il récupéré du matériel qui était plutôt destiné aux orfèvres? Nous n'en avons pas la raison, mais c'est une sorte de collection étrange et unique en Europe qui nous renseigne sur ce que l'on pouvait trouver au milieu du XVIIIe siècle sur le marché parisien ou provincial français. Parmi les objets découpés, voici un autre qui se trouve à Londres. Vous voyez, les objets bougent beaucoup dans la collection acquise par Lord Hertford. Mais cet encrier fait entre 1745 et 49, car il porte le sceau couronné des orfèvres de cette époque. Alors cet encrier, les quatre côtés sont des petits panneaux de lac du Japon qui ont peut-être précédemment décoré quelques tiroirs de cabinets démontés. Et c'est aussi, l'ai-je dit, dans la vente de la duchesse de Montebello qu'on peut en trouver la description en 1857. Voilà ce qu'on fait avec les tiroirs, les tours de table. En voici d'autres, un autre exemple. Et vous voyez comment on peut utiliser de tout petits morceaux de laque, mais ils sont néanmoins un peu plus grands que ceux de Dijon qui me semblent destinés à faire des petites boîtes luxueuses. À Munich, il y a comme cela, le grand cabinet que je vous ai montré, on l'a transformé en médaillé, donc on a enlevé tous les tiroirs et on a mis un châssis de bois moderne pour faire une commode. Voici un exemple du XVIIIe siècle, donc assez tôt, avec l'étiquette de ce marchand mercier d'Arnaud, chez qui achetait William Beckford, qui n'a pas un encadrement simple, mais qui a été remonté dans un encadrement de commode de style Louis XV. Parmi les objets qui ont appartenu à Madame de Pompadour, l'un d'eux est passé dans la collection de Marie-Antoinette. Et c'est celui de gauche, maintenant au musée Nissim de Camondot, donc il faut aller le voir sur place, ça ne peut pas sortir. Et l'autre, non monté, se trouve au Victoria and Albert Museum. Car la marquise de Pompadour avait mis les laques du Japon à la mode. Elle avait toutes sortes d'objets dont on trouve la description dans son inventaire après décès. On voit également qu'elle commandait des montures chez les marchands merciers de l'époque. Mais Marie-Antoinette, en quelque sorte, suit cette mode, ou du moins fait une collection qui n'est pas sans rapport avec ce qui plaisait donc au milieu du siècle lorsqu'elle arrive de Vienne à la cour de France. Sa collection, comme vous savez, a échappé aux ventes de ce qui se trouvait au château de Versailles au début de la Révolution, vente de mobilier qui oblige mes chers collègues à racheter à grand prix les commodes qui décoraient Versailles avant la Révolution, parce que la reine avait décidé de les faire déplacer jusqu'à Saint-Cloud et pour ce faire de les faire ranger dans des boîtes à la bonne mesure, comme ce coffret, vous avez vu le service à café du Grand Dauphin. Et quelques années après, les marchands merciers chargés de cela, sentant que le vent tournait, sont allés dire qu'ils avaient chez eux, bien rangés, tous ces trésors de Marie-Antoinette. Et sous la terreur, on en a refait l'inventaire et on a décidé qu'après tout, on pouvait les garder au musée. Donc on a cette collection qui est au Louvre et maintenant est entre le Louvre, le musée Guimet et le château de Versailles, qui a fait l'objet d'une exposition il y a une douzaine d'années. Mais d'où lui vient ce goût ? Pas forcément de Madame de Pompadour, mais il lui vient très certainement de son origine viennoise. Et c'est un peu le dernier aspect de ce que je voudrais vous dire, si vous avez la patience encore de m'écouter. Une large part de cet ensemble, 51 pièces, et peut-être plus parce que certains vont par deux, vient de l'héritage de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, et donc arrive à Paris en 1780. Elle achète donc quelques objets venant de Madame de Pompadour. Elle en achète également, elle en achète provenant de son oncle lors de la vente du château de Laeken en Belgique, près de Bruxelles. Et donc, la voilà à la tête d'une collection de plus de 80 petites boîtes en laque. Et je suis un peu fatiguée, perdue, excusez-moi. Ah, je voulais, avant de passer à cette collection de laque, vous montrer encore un objet ayant appartenu à Marie-Antoinette qui est au Louvre. Et cet objet, cette table a un abattant qui n'est qu'un morceau d'une seconde chaise percée qui faisait, elle, partie de l'ambassade de Siam. Pendant les ventes qui ont eu lieu au cours du XVIIIe siècle, en 1741-1751, des objets provenant des collections de la couronne, beaucoup d'objets sont vendus, dont certains de l'ambassade de Siam, certainement, mais la chaise percée reste sur l'inventaire. Elle est découpée dans la fin des années 80 pour faire un grand secrétaire qui est en Angleterre, dans le commerce depuis longtemps, avec trois panneaux de lac de cette chaise percée, et la quatrième sert à cette table de Marie-Antoinette qui est au Louvre. Et maintenant, on va passer à d'autres images dans lesquelles je voudrais reparler de cette... Qu'est-ce qui se passe ? Non. Alors là, tout va mal. Tout va mal. Et il faut changer d'image en plus. Donc, la collection de Marie-Antoinette, de ces lacs qui sont donc en France, vient pour les deux tiers ou les trois quarts d'Autriche. Et deux des objets de cette collection, celui-ci que je vous montre là, revenons à l'étiquette, porte une étiquette en chinois qui avait été étudiée en 1999 par ma collègue de Kyoto, Meiko Nagashima, comme étant celle d'un fonctionnaire chinois servant d'intermédiaire et dont le nom est bien connu dans la bibliographie chinoise. Il servait d'intermédiaire entre les commerçants importants des objets japonais et rien moins que l'empereur de Chine. Il se dénomme Li Su. Il est mort en 1729. Voici une de ces paires d'objets avec l'étiquette de Li Su. Donc, c'est passé par la Chine avant 1729. Et en voici un deuxième au revers. Et voici les objets correspondants. Donc, vous voyez, c'est des objets qui vont par paire. Donc, les 50 objets de Marie-Thérèse étaient peut-être plus que 50. Ce qui m'a intéressé, c'est que nous avons en France des objets qui ressemblent considérablement à ceux qui arrivaient auprès de l'empereur de Chine. Et ces objets sont en fait d'usage chinois, bien qu'ils aient ensuite cheminé vers l'Europe. Donc voici deux pièces de la cité interdite, musée national, la cité interdite de Pékin, à comparer avec une pièce de la collection Thiers au Louvre, et qui venait, elle aussi, de la vente de la duchesse de Montebello. Voici un autre objet très voisin, jusqu'à la feuille découpée d'un objet, d'une paire d'objets conservés chez l'empereur de Chine. Et il y en a encore deux semblables au National Palace Museum de Taipei, qui, comme vous savez, conserve une partie des collections des empereurs de Chine. D'autres objets avec des pieds incurvés semblent véritablement faits pour le marché chinois et, à la différence des exportations directes des Portugais, des Espagnols et des Hollandais, il faut considérer cet exemple-là comme tout à fait important. Ces objets n'ont pas d'usage japonais et ils ont un usage chinois, mais la technique et la fabrication, bien entendu, restent japonaises. Ils ne sont donc certainement pas venus par la Compagnie hollandaise des Indes orientales, la VOC, mais par Canton, où arrivaient les chargements des marchands chinois et où les divers pays européens avaient des comptoirs pour leur propre compagnie. L'Autriche catholique, je crois que la séparation de l'Europe entre protestants et catholiques est quelque chose de très important. L'Autriche catholique a, au XVIIIe siècle, entre 1717 et 1731, une compagnie installée à Ostende, justement au moment où vivait ce fonctionnaire chinois du nom de Li Su. Et une partie de la collection de Marie-Antoinette ne serait donc pas des œuvres du milieu du XVIIIe siècle, mais du tout début du siècle, lorsque, après que les Hollandais aient hésité à faire venir des cabinets de grande taille, trop chers et trop luxueux, ce sont les petits objets qui sont arrivés en Europe. D'ailleurs, dans ce contexte, il convient de prendre en considération le texte du jésuite Baptiste Duhalde dans son ouvrage sur la Chine de 1736. J'ai toujours pensé qu'il fallait aller chercher dans les pays voisins pour avoir quelques idées. Il explique en tout cas le rôle des Chinois dans le chapitre qui s'intitule « Du commerce des Chinois avec le Japon ». Le Japon est un des royaumes qu'ils fréquentent le plus. Ordinairement, ils mettent à la voile dans le mois de juin ou de juillet au plus tard. Ils vont à Cambodge ou au Siam, où ils portent des marchandises propres à ces pays-là et en prennent d'autres qui sont d'un grand débit au Japon. Lors d'un colloque à Londres sur le coffre du Victoria and Albert Museum, les chercheurs de la Fondation Getty, qui avaient étudié leurs meubles du XVIIIe siècle français avec des panneaux de laque, donc découpés, ils avaient pu étudier la stratigraphie, et ils avaient trouvé qu'en dessous de la laque japonaise urushi, bien célèbre et bien chère, on trouvait des couches de laque provenant du Cambodge, de Birmanie, donc de l'Asie du Sud-Est, donc vraisemblablement transportées par l'intermédiaire des Chinois vers le Japon. Ils n'en avaient pas trouvé la raison, soit économique, soit technique, parce que cette laque était peut-être moins chère que la bonne laque japonaise. Et Duhalde continue, « Si des ports de la Chine, c'est-à-dire de Canton, des Mui ou de Ningpo, ils vont en droiture au Japon, les matériaux que les négociants chinois chargent sur leurs bateaux pour le retour sont, et ils donnent toute une série de matériaux variés, sixièmement, des ouvrages de vernis. Il ne s'en fait point de pareil dans le reste du monde. Le prix n'en est pas réglé, mais les Chinois ne s'en chargent guère dans la crainte où ils sont de ne pouvoir s'en défaire. Quand ils en apportent, ils les vendent extrêmement cher. Les marchands des Mui et de Ningpo sont ceux qui s'en chargent le plus volontiers parce qu'ils les portent à Manille ou à Batavia et qu'ils gagnent considérablement avec les Européens qui sont avides de ces sortes d'ouvrages. Les Chinois ont en effet un comptoir à Nagasaki où ils sont obligés de s'installer en 1686, donc 45 ans après les Hollandais. Et ce comptoir reste actif jusqu'en 1868. Le nombre de jonques passe de 194 par an en 1687-88, c'est-à-dire tout au début de ce commerce, jusqu'à 40 en 1717 et seulement une dizaine à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Mais tout cela est considérablement plus que le nombre de bateaux de la compagnie hollandaise, qui sont certes plus gros, mais qui ne font le voyage qu'une fois par an. À des moments, il y en a quatre, à d'autres moments, il n'y en a qu'un qui vient chaque année, comme on pouvait le voir sur le grand cabinet de Dijon que je vous ai montré tout à l'heure. Ces jonques qui viennent des côtes chinoises les plus proches de Nagasaki, de Ningpo, puis de Shanghai, un peu plus au nord, et les marchandises sont ensuite portées par cabotage les noms des côtes chinoises, très certainement jusqu'à Canton, où elles trouvent tous les autres marchands européens. Ainsi, aussi que jusqu'à Manille, où se fait la jonction avec le commerce vers l'Amérique latine et l'Espagne. Les jonques chinoises se rendaient aussi dans l'Asie du Sud-Est et fournissaient la compagnie hollandaise à Batavia. Et en 1684-85, elles se rendaient aussi en Thaïlande, au Siam, pour fournir les bateaux français qui amenaient en France les ambassadeurs de Siam. Donc, je saute quelques années pour arriver à ce premier contact de la France avec la Chine et non pas le Japon, lorsque la mission Lagrenée signe un traité à Whampoa, donc près de Canton, en 1844, mais ne peut visiter le Japon. Et elle rapporte cependant des lacs du Japon. Voici donc une grande tabatière, d'après l'inventaire établi en 1849 par le ministère du Commerce, lorsqu'elle envoie ses objets au Louvre pour le musée de la Marine, qui était alors donc au deuxième étage du Louvre. Il y a une vraie distinction, comme au moment de l'ambassade du Siam, entre les lacs de Chine et les lacs du Japon dans ses archives. Donc c'est maintenant au musée du Quai Branly. Mais il y en a une semblable qui n'était plus identifiée comme une grande tabatière, c'est des objets de cette taille-là à peu près, dans les collections du musée des Beaux-Arts de Brest, qui a reçu en 1916 du gendre de l'amiral Cécile une très importante collection chinoise, et donc contenant des objets qu'on ne savait même pas japonais, comme cet objet très semblable, offert à l'amiral Cécile, chef de la marine française en mer de Chine, en 1844, par un Chinois, Song Chechen, un des mandarins conseillers de Qiying, le négociateur chinois de ce traité. De telles preuves historiques de la présence à Canton en 1844 de lac du Japon me semble importante. Trois autres objets, deux vases et un plateau, également décorés dans ce style typique de Nagasaki de la première moitié du XIXe siècle, ont été envoyés de Chine par un missionnaire français, François Estève, qui était arrivé en Chine en 1842 et où le mauvais climat local l'a fait mourir en 1848. C'est toujours conservé dans la famille de ses descendants, également descendants d'un grand financier de Napoléon, dans le château de Dicourt dans l'Eure. Ils sont donc en lac noir avec un décor typiquement japonais et ils viennent de Chine avant 1848. Un peu plus tard, Charles de Montigny, qui avait participé à la mission Lagrenée de 1844, est envoyé en Chine comme consul à Shanghai et Ningpo. Oui, dans deux minutes, oui. Donc il est envoyé en Chine et il ramène une grande collection qu'il expose à l'exposition universelle de 1855. Et dans cette collection, donc rapportée de Chine, il y a des meubles japonais comme cette commode que je vous montre ici, qui se trouve maintenant déposée par le musée de la Marine à La Rochelle. Et cette voie chinoise, je crois que c'est... où l'on pouvait acheter des bols d'usage courant fabriqués en Chine, pour, du moins fabriqués au Japon pour le marché chinois, comme ceux que je vous montre ici, exposés à Paris en 1855, eh bien, cette voie chinoise explique sans doute la présence à Londres, en février 1854, de mobilier dans ce style de Nagasaki, meubles paravents et également des bronzes, semble-t-il. Et si vous regardez le guéridon au premier plan avec ses pieds en forme de chauve-souris, on en trouve précisément le modèle chez un fabricant de Nagasaki, donc un album qui a été publié il y a quelques années. Mais de tels meubles devaient se trouver aussi, me semble-t-il, en Hollande, et les deux cheminements par les Hollandais et par les Chinois ont dû coexister. Mais le rôle des Chinois comme intermédiaire dès la fin du XVIIe siècle me semble important à souligner, comme l'exportation vers la Chine d'objets faits pour un usage chinois et dont certains nous parviennent ensuite en Europe. Et puisque je dois finir, je dirais que l'admiration pour les lacs du Japon a également en France abouti à la recherche de techniques similaires, comme le montre l'exposition actuelle qui s'appelle l'étude sur la laque française, le vernis Martin, l'imitation des laques du Japon, à la fois pour copier les motifs au début et ensuite pour obtenir des meubles, la technique est différente, des meubles ou même des carrosses protégés par une laque qui les rend insensibles à la pluie et à l'humidité. De la même façon que pour la porcelaine, l'Europe cherche à imiter les techniques remarquables et lorsqu'elle a réussi, la nécessité d'importer des objets trop chers disparaît. Ne reste alors que pour ces objets anciens que les collectionneurs, les musées et les antiquaires. Merci.